Céline m'a classé, camisole picouse, car à ce qui paraît j'ai assassiné Dr House. Je rentre le bâtard planqué sous la blouse, comme sortirait un bazooka de la touffe à Winehouse. Trop de crâne dans le crâne et tu craques, appelle-moi Marie Roano, je suis le Mac de Marie-Jeanne. Une carotte en face des yeux ou la bite à Rocco, 2m10 ou de la taille à Sarko. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, voix de neuf docteur, fais tourner le buzz. Sarko est un cousin péteur sur une chaise électrique. Le Pen s'occupe d'envoyer le courant. Carla Bruni, actrice de porno chic, Nicolas S à la réa. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, voix de neuf docteur, fais tourner le buzz. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, voix de neuf docteur, fais tourner le buzz. Touché par la crise pétrolière comme Vin Diesel, rien à foutre, j'carbure toujours au kérosène. Mon ange gardien déploie ses ailes de l'enfer, m'enfermez pas dans une cage comme Nicolas Cage. Volte face, j'ai le stylo facile, même en roue libre, c'est de la punchline. Les récits aussi dark que les scénars de Tarantino. La politique une part, tous orchestrés par torselle. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, voix de neuf docteur, fais tourner le buzz. Philosophie apocalypse, appelle-moi Van Damme Shaitan ou le clown triste. Les MC écrivent avec du sang d'encre, ou bien trop souvent avec leur barrette de shit. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, voix de neuf docteur, fais tourner le buzz. Ce monde me rend fou et ça se ressent dans mes textes. Disent-ils mon phrasé qui coule dans mes veines. Nitroglycérine en intraveineuse, le monde part en couille, te prends pas pour Jason Bourne. Docteur, refais-moi une piqûre. Ma théorie du chaos ne se résume qu'en un crochet. Tu pars dans les cordes, mais dans les barbelés.